Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. 5-4-3-2-1-0. On va parler de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. C'est la semaine passée, on a fait la conférence de l'Ouest. Là, maintenant, on va faire la conférence de l'Est. Salut, Pascal. Salut, Danny. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, Pascal. D'abord, écoute, je t'ai envoyé quelque chose. Tu sais ce que je t'ai envoyé sur Messenger? Ouais, tu m'as envoyé la liste des joueurs On est rendu à 20 Canadiens qui font partie de la NBA. C'est quand même très, très bon. Je te demanderais ton 5 partant, c'est quoi? Rapidement? Mon 5 partant, rapidement, ben mon numéro 1, c'est Jamal Murray. Oui, non, mais je dis, t'es sur un court, là, t'as 5 partants. Ouais, ben, je commence mon équipe avec Jamal Murray. OK, ben, c'est sûr. Qui est le meilleur Canadien, selon moi. Oui, OK. Écoute, je vais aller pour Cam Birch, parce que c'est un jeune que j'ai connu pendant plusieurs années ici à Montréal. OK. Murray, Birch, Olinick. RJ Barrett avec Murray dans le backcourt. Ok, Kelly Olinick. Ouais. Avec Birch, puis je vais aller avec Alexander des OKC. Ok. Hey, ça fait puis mon sixième homme, c'est Lou Dort. Hey, ça fait un 5 partant pareil intéressant. Quand tu dis qu'Alexander n'est même pas là, c'est ton 5 partant. Wiggins, c'est pas là non plus. Ben, Wiggins, il fait mon équipe, mais je sais pas là, je suis pas con. Ouais, mais je veux dire, ouais, non. Hein? Exactement. T'sais, je vais aller avec des gars qui ont démontré depuis plusieurs années qu'ils sont vraiment solides. Là, t'sais. On oublie Corey Joseph, on oublie. Gunsdorf, qui pourrait très bien te réserver. Lyle qui est un très bon joueur à 6-11. Powell, qui est avec Dallas, qui pourrait être dans mon 5 partant aussi. Powell. Okay. On a des très bons joueurs canadiens. Je veux dire, si tu prends ces 20 joueurs-là, puis tu fais une équipe de 12, on devrait être pas mal compétitif au niveau international. Beaucoup plus qu'on a démontré dans les 30-40 dernières années. J'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte de voir ça. Les Olympiques, ça risque encore une fois d'être chamboulé le calendrier. Ouais, exactement. Sauf que j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver là, avec toutes les... à un moment donné, là, il va y avoir un championnat qu'on va avoir la chance de toutes les mettre, de toutes les voir ensemble. Mais ce qui est important, c'est que si tu prends les Américains, ils ont quand même pris ça au sérieux. Fait que je te donne un exemple. Si dans les 20 que tu as sur ta liste, il y en a toujours 8, 9, 10 qui sont présents, ben on risque d'être compétitif. Quand je dis présent, c'est présent sur une période d'au moins 5 à 8 ans. Là, Steve Nash a quand même joué longtemps pour l'équipe canadienne, puis quand il a arrêté de jouer, c'était vraiment pour mettre le focus sur sa carrière NBA. Après ça, il est devenu deux fois MVP de la NBA, mais il a donné beaucoup de temps à l'équipe nationale, puis t'as une saison NBA, t'es avec ton équipe nationale, physiquement, c'est très demandant là, de jouer pour les deux, mais tu prends des joueurs comme Manu Ginobili, qui a toujours joué de l'équipe nationale, là, je pense que ce qui manque au Canada, c'est cette mentalité-là de donner son été, une partie de son temps à l'équipe nationale. Mais pour être compétitif international, il faut pas. C'est pas juste des vedettes, il faut que les gars soient capables de jouer ensemble. Oui, effectivement. Donc, c'est pas mal intéressant. Écoute, Et Nick Nurse est un bon entraîneur. C'est Nick Nurse l'entraîneur de l'équipe canadienne. Ouais, en ce moment, c'est Nick Nurse. Donc, lui, pour la chimie et pour tout ça, il est très bon là-dedans. Mais là, j'aimerais ça voir peut-être Steve Nash revenir à la barre. Ouais, Steve Nash, c'est vrai. Ouais, Steve Nash, débuté hier, ça a bien été avec, avec une victoire. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ben, tu veux qu'on parle de l'Est, Danny? Ouais, mais je veux te parler de la meilleure équipe, c'est Brooklyn. Ouais, OK. Non, c'est la meilleure équipe de l'Est. Ouais. Et une des top 3 de la NBA, c'est Brooklyn. Ben là, avec Kevin Durant, tu sais... Moi, j'attendais de les voir jouer. On a vu le match, mais écoute, t'as un gars comme Dinwiddie qui vient du banc, qui était le meilleur scoreur l'année passée à 20 points par match. DeAndre Jordan dans 5 partants. Ils ont le meilleur banc dans la NBA. Ils ont 11 joueurs qui vont jouer... Puis qui sont capables d'apporter énormément. Puis je dirais que leur deuxième 5 est meilleur que peut-être certains 5 d'équipe de NBA. Ouais. Fait que c'est quand même. Non, c'est tout. Levert, Dinwiddie, ils ont, avec Durant puis Kyrie Irving, j'ai pas d'autre chose à dire. Là. C'est tout un club. Ouais. Ah, c'est clair, ça. Là. C'est tout un club. J'ai hâte de voir Steve Nash qui n'a pas nécessairement l'expérience diriger tout ça. Ça, Danny, là, je vais être honnête avec toi, il a grandi après ses 4 années à Santa Clara. Il était dans la NBA pendant, je sais pas combien, on parle de presque 20 ans, là, faut pas se mentir. Puis il y a une chose qui est importante, il y a une bague de championnat, Steve Nash, avec les Warriors. Steve Nash était un assistant entraîneur avec les Warriors à domicile. Donc, il partait de Los Angeles, il venait passer 2 semaines avec Golden State, il travaillait avec Steph Curry, il travaillait avec Klay Thompson. Il travaillait avec Kevin Durant. Une des raisons majeures qu'on a amené Steve Nash à Brooklyn, c'est vraiment pour démontrer le respect que non seulement on a pour Steve Nash, mais que Kevin Durant a et Kyrie Irving. Fait que Steve Nash, il a plus d'expérience qu'un entraîneur collégial qui a fait 20 ans dans la NCAA pour coacher ses gars dans la NBA. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Ouais. Il y a aussi une question de respect, Danny. Fait que t'as des entraîneurs comme ça qui arrivent comme Steve Nash, comme Jason Kidd, qui ont jamais eu d'expérience, puis ce sont des entraîneurs-chefs, mais ils sont capables de faire le boulot. OK. On va y aller maintenant avec la NBA qui a dit qu'il veut y aller en expansion. Mon Peter Yiannopoulos qui s'excite un peu avec Montréal. Écoute, t'as vu ça passer aussi, là? Je n'ai pas porté attention. Ben là, tu sais, Las Vegas, quelque part, moi, je dis que Seattle, c'est sûr qu'il va y avoir une expansion. Ça a freiné pas mal. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent là-dedans. Ça va probablement accélérer le processus d'expansion. Tu viens de tomber en plein. On parle... Si on ajoute 2 équipes, ben c'est 2 milliards quasiment qui vont rentrer dans la NBA. Ben 1 milliard par équipe, je sais pas c'est combien. C'est 2 milliards par équipe pour rentrer dans la NBA maintenant? Bon, regarde, les Clippers ont été vendus à 1 milliard, 1 milliard et demi. Non, mais c'est ça que je te dis, mais pour avoir le droit de jouer dans la Ligue, j'assume que c'est peut-être, mettons, ça a déjà été 500 millions. Fait que, mettons-le, là, la NBA, les 30 équipes vont se partager, mettons, 1 milliard pour 2 équipes ou whatever. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que déjà, en partant, c'est avantageux d'avoir une expansion. Moi, si une expansion, on parle de 2 équipes. Maintenant, c'est pas que Montréal, c'est Peter, il a raison de dire que c'est réaliste avec tout ce qu'on fait. Mais ils viendront pas à Montréal pour les gens de Montréal. Ils vont venir à Montréal pour le Centre Bell. Ils vont venir à Montréal. C'est le propriétaire qui décide que ça vaut la peine de jouer ici. Fait que là, si tu dis, t'as une équipe dans l'Est, t'as une équipe dans l'Ouest. Si t'ajoutes 2 équipes, est-ce que tu les ajoutes tu comprends-tu au niveau des conférences? Fait que ça fait du sens d'avoir une équipe dans l'Est, une équipe dans l'Ouest, de plus, exemple, pour tomber à 32. Ouais. OK? Fait que Montréal serait intéressant, mais ça dépend qui est-ce qui va backer ça financièrement. Tu sais, ça prend quelqu'un à la Mark Cuban, ça prend quelqu'un qui va arriver avec un groupe qui va arriver, c'est très solide. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Fait que, tu sais, on regarde Utah qui a été acheté, je pense que le propriétaire de Utah, si je me trompe pas, à 42 ans, c'est un jeune propriétaire, tu sais, puis il a acheté l'équipe, puis je veux dire, mais financièrement, il est en moyen, tu sais. Fait que c'est ça qu'on parle, mais est-ce que Montréal, pour moi, Montréal, c'est autant réaliste que Las Vegas ou que Seattle. Maintenant, est-ce que la NBA veut rester aux États-Unis? Est-ce qu'on est prêt à ajouter une deuxième équipe à l'extérieur des États-Unis? C'est ça que, tu sais. Donc, toi, tu commences à trouver ça plus réaliste que. Ben, j'ai toujours ouais. cru que Montréal pourrait avoir une équipe, Danny. Je l'ai toujours dit. Pourrait avoir une équipe. Je disais que ça n'arrivera pas de notre vivant. Mais là, si Adam Silver parle d'une expansion forcée, comme tu as dit, par la pandémie, ben là, ça commence à avoir un petit peu plus de sens. Ouais, OK. C'est sûr que ça va changer avec le COVID, ça va changer pas mal d'affaires. On ne sait même pas, on est dedans encore. Il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées à cause du COVID dans notre société. Écoute, juste l'explosion du e-commerce maintenant, je veux dire, il y a des gens qui... Je m'excuse, Danny, tantôt, je suis sorti, j'ai juste passé devant le centre d'achat à Anjou, et puis ça n'a aucun sens, la ligne qui est à l'extérieur, pour rentrer dans le centre d'achat. Non. Fait que t'as des gens qui vont se dire, non, ben, COVID ou non, moi, je commence à commander en ligne. Moi cette année, j'ai tout commandé en ligne, mes affaires en passant, Danny. Mais donc, il y a bien des affaires qui vont changer, effectivement. On ne connaît même pas l'ampleur de ça encore. Fait que... Écoute, on a hâte de voir ça. Pascal, maintenant, je veux... on va faire une pause, puis on va parler de la division S, la conférence... Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Pour le temps des fêtes, Salaison Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et c'est bonne année. Bonsoir, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est une période privilégiée où chacun peut se reposer et se ressourcer. Afin de démarrer la nouvelle année en force, je vous demande de respecter les consignes gouvernementales. En diminuant nos contacts au minimum, nous pourrons ainsi réduire la contagion de la COVID-19. Profitez de cette période pour encourager nos commerçants et artisans locaux qui ont grandement besoin de votre soutien. Leurs produits sont uniques et seront appréciés, j'en suis certain. Passez un beau temps des fêtes et bonne année 2021. On est de retour à danslesport.com avec Pascal Jobin. Pascal, tu l'as dit, les Nets de Brooklyn dans l'Est, facile? Ben, pas facile, mais je pense qu'ils vont surprendre tout le monde avec le talent qu'ils ont. Ils ont tout, là. Ils ont tout. Puis quand je dis tout, là, je parle de 1 à 10, 1 à 11. C'est la seule équipe qui a cette profondeur-là dans la NBA au complet, selon moi. Moi, ce que j'ai vu dans le match de pré-saison, mais dans le match d'hier contre les Warriors étaient même pas capables de jouer avec eux autres, là. C'était même pas drôle, comme premier match. Puis j'essaie de regarder... que ce soit les Bucks, que ce soit les 76ers, que ce soit les Raptors. Écoute, on doit dealer avec Kyrie Irving et Kevin Durant sur le même terrain. Mais après ça, ils ont des joueurs tellement solides, tellement prêts à démontrer qu'ils veulent faire. Puis je pense que Steve Nash amène un air de fraîcheur à cette équipe-là. Ils vont être bons pendant 2-3 ans, c'est sûr et certain. On va écouter l'entraîneur, on va aller de l'avant. La seule affaire, honnêtement, Danny, qui peut arrêter Brooklyn de se rendre en finale NBA, je le dis, en finale NBA, c'est les blessures. Ouais. Parce que là, on parle de Kyrie Irving, on connaît son histoire au niveau de blessures, puis on parle de Kevin Durant qui revient d'une des pires blessures. On dirait que qu'il n'est rien arrivé, la personne qui a joué hier, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même un ennemi là, qui revient. Là, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un ennemi. Là. Mais la seule chose qui peut arrêter les Nets de se rendre en finale NBA, c'est les blessures, selon moi. Okay. Il n'y a aucune équipe dans l'Est. Même pas les Bucks? OK, les Bucks qui... Les Bucks ont ajouté le meneur de Holiday, le meneur des Pelicans, que j'ai dit que ça faisait une énorme différence au niveau offensif-défensif à comparer à Eric Bledsoe. Mais à part ça... ils n'ont pas vraiment ajouté grand-chose. Tu sais, je m'attends à ce que Yanis soit Yanis, deux ans de suite MVP, puis tu ne te rends pas en finale de la NBA, là, tu comprends? Ouais. Moi, l'équipe, je pense qu'il sera pas autant aussi performant qu'ils ont été, c'est les Heat de Miami. Okay. Je m'attends à ce que exemple, Philadelphie surpasse le Heat de Miami. Puis l'équipe, moi, je pense que ça pourrait être une finale Brooklyn-Boston. Je pense que Boston, ouais, je pense qu'avec Kemba Walker, avec Jaylen Brown, je pense que Boston sont prêts à passer à l'autre étape. Et même s'ils ont perdu Gordon Hayward, c'était pas vraiment un joueur qui avait une énorme influence parce qu'il revenait, puis on dirait qu'il se sentait pas bien dans son rôle. Moi, je pense que Boston est une équipe aussi dangereuse, mais Brooklyn est tout seul, selon moi. OK. Donc, Brooklyn est... OK. Donc, on va y aller maintenant avec du côté des Raptors. Cinquième, ouais. Sixième à peu près? Oui, ça serait bon. Peut-être top 4. Peut-être top 4. 4 okay. Ouais, ou 5e, je pense qu'on est... il va peut-être, d'après moi, il va y avoir des changements pendant la saison. Est-ce que Kyle Lowry va finir la saison à Toronto? C'est une équipe solide. On a perdu des joueurs. Le plus important, selon moi, c'est Serge Ibaka, mais on a re-signé nos Van Fleet, on a re-signé Adunobi. Le succès, Danny, de Toronto, c'est Pascal Siakam. Est-ce que cette année, il va jouer comme un joueur étoile élite de la NBA, comme un super? C'est parce que ça avait mal été dans la bulle. Hein? Ça a mal été dans la bulle, mais tu sais, puis on dit toujours les séries, c'est une autre saison, tu es d'accord avec moi? Je pense que Pascal va connaître une très bonne saison régulière pour montrer à tout le monde qu'il est capable d'être le man. Mais est-ce que mentalement, et c'est là qu'on voit, faut donner le respect à un gars comme Kawhi ou LeBron, quand tu arrives dans les séries, quand ça compte, là, puis tu es capable de performer au niveau, c'est vraiment important de voir ça. Puis est-ce que Siakam est capable de faire ça? Ce que DeRozan n'a pas été capable de faire pour Toronto, puisque vraiment personne n'a fait l'année passée. J'ai trouvé que Van Fleet était solide, Lowry était haut, on avait des hauts et des bas avec Lowry dans les séries, mais Siakam a comme disparu. Et on avait besoin d'un Siakam qui était... Tu sais, j'aime mieux le voir faire 18 points, 10 rebonds, 4 blocs régulièrement qu'une game de 30 points puis 15 rebonds. Je sais pas si comment je veux dire par là. Ouais. Tu sais, plus à chaque game, tu sais que... Tu sais, il y a des joueurs dans la NBA, Danny, là. Tu sais, c'est comme ça, mais c'était comme ça au hockey. Tu connais ton hockey. Tu sais qu'à chaque match, tu vas avoir... X, X, X, puis il n'y a pas de problème. Ça va être toujours. Tu le sais, là, t'en as plus, mais t'en as rarement moins. Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui. Et ça, ces joueurs-là, ils sont rares en passant. Et c'est des superstars. Donc, on va suivre ça de très très près, évidemment, du côté des Raptors. J'ai hâte de voir. Il y a le dossier de James Harden. Ça risque de changer pas mal. S'il aboutit dans une équipe de l'Est, soit Milwaukee, soit Cleve, soit les. On parle encore des Raptors. J'ai vu à Sportsnet les Raptors. Qui veut James Harden? Ouais. Non, mais Danny, réponds-moi. Je ne pas ta question. Tu le veux-tu, toi, James? Tu voudrais-tu, James? C'est parce que Danny, directeur général des Raptors, est-ce que tu veux James Harden à Toronto? Moi, je dirais plus vers une reconstruction. Je dirais Masai Ujiri. Tu te débarrasses de qui? C'est pas Larry, là. Non. Pascal Siakam est le premier choix. Pascal Siakam... Norm. Ou pas plus le premier choix. Norm, ouais, ben, une coupe de premier choix. Une coupe de premier choix. Bon, une coupe de pas premier choix, mais une coupe de choix de première ronde. Ouais, c'est sûr. Mais... Puis pour le joueur, qui est pas sûr que pour, qu'il rentre bien dans une chimie, hein, il commence à avoir. Moi, ce que je me rends compte, c'est un gars qui fait 40 millions que personne ne veut. Ouais. Non, mais entre nous deux, là. C'est Miami, ils ont dit, oh, finalement, non. Puis là, en plus, il fait des conneries, il s'engueule avec ses coéquipiers. Il était faire le party avant que la saison commence. Il est arrivé en retard. Il a demandé d'être échangé. Ça, il tente pas d'être là. C'est comme tabarouette. Je te donne 40 millions, puis tu boudes. Moi, je comprends pas ça. Tu as un contrat, honore ton contrat, finis ta saison, puis va-t'en après. Exemple. Non, moi, je te le dis, Danny, je trouve ça. Il va probablement se faire échanger. Là. Il y a une équipe après. Après 3-4 semaines, qui va se dire, OK, on a besoin d'un James Harden. C'est quoi? C'est quoi? Non, il ne faut pas se mentir, mais c'est honnêtement, Danny, c'est le joueur élite que j'ai jamais vu que les gens ne voulaient pas jouer avec. Je ne sais pas si comment je faisais par là, Danny. Ouais. T'as-tu déjà vu ça, une situation comme ça? Des fois, tu vas te dire, est-ce que je veux jouer avec LeBron? Mais LeBron, tu veux jouer avec lui, mais c'est parce qu'il. Il prend toute la publicité ou. Tu sais, c'est toujours LeBron. Tu comprends? C'est pour ça que Carrie voulait partir. Tu comprends ce que je veux dire par là? Je veux m'approcher. D'aller vite dans les autres sports, c'est pas. Donne-moi un gars dans la même situation que James Harden, Danny. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un super. Un, un, un, un, un, un, un, un, un, Tu commences à un joueur de concession. Un joueur de concession, là. Sterling reste un joueur de concession. Là. Absolument. Ouais. À suivre, Danny. Dossier à suivre, évidemment. Il va être échangé, c'est sûr et certain. Mais on ne sait pas à qui. Pascal, il me reste qu'à te souhaiter des joyeuses fêtes. Ben, on a fait un podcast. On l'a fait, je te dis tout, on l'a fait la revue, on l'a fait la semaine dernière. Donc, ce que vous allez entendre dans le temps des fêtes, c'est déjà enregistré. Mais je vais te souhaiter joyeux Noël et une bonne année. Merci beaucoup, Danny. Tranquille, tout seul à la maison. On va regarder du basketball probablement, parce que c'est le 25, c'est la NBA. C'est l'équivalent de la Ligue nationale de hockey pour le 1er janvier. Il n'y aura pas cette année, là. Mais la NBA, d'ailleurs, vous la revenez, je pense, le 22, parce que justement, pour ne pas manquer le 25. Exactement. Le 25, c'est une grosse journée de basket pour eux. C'est une grosse journée de basket. Avec les Raptors ne sont pas là, malheureusement, mais il y a ma deuxième équipe, les Celtics, qui vont être en action. Pascal Jobin, un gros merci. Au plaisir de se parler. Excellent, Danny. À bientôt. Notre ami